Chapitre 3. Veuve Élie, Élie père, Élie fils, Élie neveu, Élie pain sec, et d'une idée que j'eus le soir de la première communion. Les boucs sont les petites crevettes grises qu'on appelle de la salicoque de vers le Havre. Vous avez certainement vu les prédicateurs faire le signe de la croix en prononçant le saint nom de Jésus. C'était un peu ainsi, et j'ai du chagrin à le dire, quand le mot commerce passait pieusement entre les lèvres de maman Quimper. Elle était grande et généreuse, c'est vrai, mais elle n'en croyait rien. Le culte du grattage la tenait et elle professait un respect profond pour les rongeurs. Seul au monde, Petit Guerne avait le droit de se moquer du négoce devant elle, et encore, c'était parce que Petit Guerne devait se négocier lui-même à grand bénéfice en épousant la princesse. C'était maintenant un des plus beaux adolescents que j'ai vu jamais. Maman se fâchait quand il se familiarisait avec mes frères, disant qu'il était trop au-dessus d'eux, mais elle souffrait qu'il me témoignât de l'amitié à cause de la fortune qui m'était promise, en ma qualité de cinquième fils et de Corentin. Cependant, la veille de notre entrée dans le commerce, elle lui dit « Vous saurez comme ça, monsieur de Guerne la Balue, moitié de marquis sans le sou, que tu n'es pas une bonne connaissance pour mon Corentin. Rien qu'à te voir, comme te voilà, faro et paresseux, veuve Élie deviendrait enragée. Donc, par conséquence, si c'est un effet de votre bonté, tu feras un détour pour m'obliger, en passant dans sa rue, et jamais vous ne montrerez ta tournure de propre à rien aux alentours des environs de la boutique à Montflot, où il va faire son apprentissage de fin marchand millionnaire. » « Si vous vouliez, maman Quimper, répondit Petit Guerne, je ne serais plus un fainéant et je m'engagerais puisque c'est mon envie. »« Alors, s'écria-t-elle déjà rouge de colère, tu veux me faire de chagrin tout à fait, cadet? Croyez-vous que c'est à bord d'une méchante barque à morue que vous trouverez la demoiselle qui doit me payer tes mois de nourrice? Et il y a des champs là où était la mère. Eh bien, quand vous aurez épousé la princesse, monsieur de Guerne la Balue, vous ferez votre digue aussi, et vous aurez 4 lieues de pays, en long et en large, pour vous tout seul. Alors, vous me donnerez une bonne ferme et, ou bien 2 peut-être, à votre générosité, et c'est par intérêt tout ce que j'ai fait pour toi, morveux de marquis, parole sacrée. » Quand elle parlait ainsi, Petit Guerne l'enlevait presque de terre à force de la serrer, et pourtant elle pesait lourd. Il riait, il pleurait. Moi, j'avais un peu l'idée que maman avait pu spéculer sur ce mariage avec la princesse en tout bien tout honneur. Quant à Jean Piteux, il en était convaincu tout à fait. Seulement, il ne croyait pas à la princesse et il calculait que la digue coûterait trop cher à faire sur fond de sable, recouvert par 150 pieds d'eau. Le lendemain, on nous fit propre. Petit Guerne n'eut pas la permission de nous accompagner. Mais il me glissa à l'oreille en m'embrassant. « Tu sais, si on te bat, tu me le diras. » Mon frère Guénolé, doux comme un ange, et qui avait déjà mine d'abbé, m'exhorta à la patience, et papa Quimper ne mangea que la moitié de sa soupe parce qu'elle était brûlée. Je quittais sans trop de regret les demoiselles Luminet, ces pauvres bergères dont la houlette était un martinet. Mon principal chagrin venait de ma cousine Fanchette, qui était ma meilleure camarade et que je ne devais plus voir tous les jours. La drôle de petite fille que Fanchette, elle m'aurait fait sauter par-dessus le parapet des remparts rien qu'en me disant « tu n'oseras pas ». Je l'aimais bien. Elle m'avait choisi d'avance pour son mari quand nous aurions l'âge, mais cela ne devait pas aller tout seul, car maman lui disait « Fillette, la femme de Corentin Quimper aura des plumes sur son chapeau. « Ne te mets pas des idées dans la tête rapport à lui. » Fanchette n'en riait que mieux, et si vous saviez quelle perle la gaieté montrait dans sa bouche. La maison veuve Élie, Élie père et fils, Élie neveu et compagnie, avait ses magasins tout à l'autre bout de la ville, dans une ruelle qui mène de la rue de Dinan au Petit Mur. On y faisait le gros, pêle-mêle avec le détail, et cette confusion apparente amenait beaucoup de chalands car chacun aime mieux acheter au gros tas. Jamais le pauvre ne soutient le pauvre. Il jette son sou dans les grandes sébiles comme l'eau stupide va toujours à la rivière. J'ai vu des gens venir de Saint-Servan acheter un cornet de poivre d'un sou chez les Élie, parce que le poivre s'y montrait à découvert dans une large botte, où il s'éventait du matin au soir en faisant éternuer les pratiques. En arrivant à la porte, maman nous dit « Tiens-toi droit, tous deux !» Elle se redressa elle-même et secoua son tablier avant de descendre les marches éternellement humides qui donnaient accès dans la boutique. Elle nous dit encore « Sentez voir de vos nez !» Il faisait bon sentir, car on y voyait goutte. Je fus presque suffoqué par la terrible odeur de suif, d'huile, de drogue, de salaison et de réglisse qui embaumait ce séjour. Jean Piteux aspira une vaste lampée de ses puanteurs, comme s'il eût retrouvé là son air natal. Personne ne fit attention à nous. Les murs eux-mêmes savaient ici reconnaître, à travers la doublure des poches, les sous qui devaient tomber dans le comptoir. Comme nos poches étaient vides, nous eûmes tout le temps de regarder les maîtres de séance. Veuve Élie était la reine. Elle avait une féroce figure de lapin, toute grise avec des yeux sanglants, et un nez écorché du plus considérable gabarit qui portait à son extrême pointe des lunettes de fer cruellement serrées. Élie père et fils étaient bas sur jambes, bouffis et bulbeux. Ils se ressemblaient d'une façon affligeante. L'un et l'autre avaient la même loupe, tapissée du même poil jaune, entre les mêmes yeux ronds, stupéfaits. On les distinguait l'un de l'autre par leur tablier. Celui d'Élie père était gros vert, celui d'Élie fils gros bleu. En outre, Élie père tournait ses pouces aux heures de récréation, tandis qu'Élie fils faisait craquer ses jointures. On appelait le père patron François et le fils Fifi Jaco. Élie neveu, plus beau, mieux bâti et doué de manières distinguées, offrait quelquefois aux dames du tabac à priser de Jersey dans une grenouille en coco. Il avait des fausses manches et ne marchait qu'avec une plume derrière chaque oreille. Son titre courant était « Monsieur Amédée ». Ce qui dominait dans cette tribu, c'était la bestialité rapace. Je n'avais jamais eu l'idée de pareille chose. Quand ils se retiraient derrière le grillage de leur bureau, cela faisait l'effet d'animaux nuisibles qu'on enferme par précaution. Cette pensée me vint surtout pour veuve Élie, dont le nez étranglé me faisait frissonner. Maman nous laissa bien regarder. Et puis, elle demanda. « Un cadet, qu'en dites-vous ? » La figure de Jean peignait l'admiration. Moi, j'avais bonne envie de pleurer. Et pourtant, je n'étais pas sans éprouver un brin d'émotion. Je subissais l'effet de ce remue-ménage sourd et continu qui travaillait toutes choses autour de moi pour en faire de l'argent. Je comprenais très bien que dans ce fourneau malpropre, une fortune incessamment mijotait. Certes, veuve Élie ne devait jamais jouir de ses richesses. Vous eussiez martyrisé sur place Élie père et fils avant de les contraindre à manger un écu. Élie neveu lui-même, le plus prodigue des Élie, prenait sa demi-tasse en cachette le dimanche dans un café borgne célèbre par le bon marché de ses empoisonnements. Mais qu'importe cela, on n'amasse pas pour dépenser, on entasse pour entasser. Entre toutes les fièvres, celle du grigou est la plus stérile en apparence. Ne vous y trompez pas, cependant. Le pince-maille est bien autrement intelligent que le prodigue. Il a sa volupté sous la main. N'y pas toucher est le bonheur qui dure. Maman Quimper, dans cette maison, semblait toute petite. Sa voix s'y perdait. Elle s'y tenait les mains jointes comme à l'église. En nous présentant à veuve Élie, d'un air modeste et souriant, elle commanda 20 livres de chandelles des 8, ce qui nous fit assez bien venir. C'était l'heure du déjeuner. Veuve Élie, prenant possession de Jean et de moi, nous partagea une sardine salée sur 2 morceaux de pain dur. La même pitance du reste fut servie non seulement aux autres commis, mais encore à Élie père, fils et neveu. Maman nous dit tout bas avec une respectueuse emphase « Vous y voilà en plein. Vous n'aurez qu'à regarder pour apprendre. Nagez !» Ce n'est peut-être plus comme cela, mais de mon temps, là-bas, la pince-maillerie était une gloire. Toute la ville disait « Ces Élie vivent de rien », comme on aurait cité un trait d'héroïsme ou de haute charité. La vieille toussait en travaillant, mais elle travaillait comme quatre et portait des bas percés qui l'enrhumaient éternellement. Le père, le fils, le neveu se reprochaient entre eux à la journée les croûtes qu'ils mangeaient, et pour ce qui est des 7 ou 8 commis meurent de faim, je ne voudrais pas mentir, mais je jure bien qu'en les faisant fondre ensemble à petit feu, on n'en eût pas retiré une once de suif. Il y avait une chose terrible à voir. Le lundi, à la porte, les mendiants venaient. On donnait un liard à partager entre chaque paire de pauvres. Rien ne saurait dire le supplice de cette charité forcée. Si on n'avait pas donné, les voisins auraient causé. Mais quelle rancune et que de regrets! Toute la journée, la famille était en deuil. Veuve Élie faisait le compte des liards lâchés en pleurant des larmes noires. Il y avait des vieux pauvres à qui elle avait donné depuis le temps plus de 500 liards, ce qui fait bien 6 francs. L'idée lui venait d'aller les attendre le soir au coin des rues pour leur demander ses liards ou la vie. Quand maman fut partie, on nous mit des tabliers bleus. Jean reçut un pilon pour écraser le poivre. Moi, on me confia un moulin à café qui riait lamentablement. Après 12 heures de travail, on nous coucha dans 2 petits cercueils qui avaient contenu des cierges. Jean me dit « Je me plais assez ici ». Moi, je pleurais toute l'eau de mon corps et je songeais aux vastes flancs de la jeune Émilie, que mon regret faisait brillant comme les murailles d'un palais. Qu'allais-je devenir dans cette caverne où le travail implacable ressemblait au tourment de l'enfer? Maman aussi était à Proguin, mais quelle différence! Elle avait tout un peuple à nourrir en comptant Petit Guerne, Papa Quimper, Jean et Fanchette. L'argent conquis par elle à la sueur de son front servait surtout aux autres. Quand elle parlait de sa dureté de cœur, c'était pure venterie. Ah, je ne dis pas, peut-être aurait-elle bien voulu atteindre à la perfection commerciale des Élie, mais elle ne pouvait. On est rongeur, cela ne s'apprend pas. J'ai vu plus tard ce que je ne savais pas alors. Au théâtre, j'ai reconnu un Élie agrandi dans Shylock. Harpagon en savait de bonne, mais Élie père lui en aurait remontré long. Dans les tableaux flamands, j'ai retrouvé les lunettes de veuve Élie sur le nez crochu des buveurs d'or. Elle ne vivait pas, celle-là. Elle additionnait. Je l'ai vue souvent flairer avec une sensualité obscène le bout de ses doigts qui gardait l'odeur du vert de gris des gros sous. Elle avait de la force d'âme. Je ne sais pas quelles grandes actions ou quels crimes elle eût tenté pour 10 écus. Mais je crois que la perte de pareille somme l'aurait tuée sur le coup sans rémission. Et pourtant, elle exerçait l'hospitalité à sa manière. Les dimanches, il y avait festin dans l'arrière-boutique. 2 ou 3 parents d'étonnantes figures arrivaient, midi sonnant, et s'asseyaient à table d'un air inquiet. Au fond du cœur des hommes, l'espoir ne meurt jamais. Les malheureux gardaient vaguement l'idée qu'on leur donnerait quelque chose à manger. J'ai un souvenir désolant. Un dimanche, le doyen des cousins, Élie Pain Sec, comme on l'appelait, car à Saint-Malo les sobriquets manquent de délicatesse, demanda un peu de moutarde pour assaisonner son air de bœuf bouilli. Ce n'était pas un très respectable vieillard, mais enfin, il avait des cheveux blancs autour de son pauvre crâne. Je pense bien que, avant de parler, il n'avait pas réfléchi. Au mot « moutarde », veuve Élie se redressa de son haut et regarda avec des yeux tout ronds. Son nez avait blêmi, sa bouche rentrée ressemblait à un coup de tranchet dans du cuir. Elle faisait peur et je me mis à trembler. Elle atteignit sa tabatière, qui était toujours vide, et la replongea en poche sans l'ouvrir. Elle déplia son mouchoir à demi et ne s'en servit point. Ses lunettes arrachées puis replacées d'une main convulsive rendirent un cliquetis de bataille. Littéralement, son indignation l'étouffait. Autour de la table, c'était un silence de sépulcre. On entendait les rats affamés ronger leurs propres dents quelque part dans les trous et ce battement mystérieux qui est l'appel des araignées à l'intérieur des cloisons. Le bonhomme Élie Pain Sec Épouvantée par l'idée de son crime et fascinée par ce regard d'épervier qui lui mordait les yeux, avait laissé tomber sa fourchette et son couteau. On le voyait qui devenait livide. Au bout de 2 minutes, longue comme toute une semaine, veuve Élie parvint à parler. Elle dit d'une voix sifflante « Alors, pain sec, il te faut de la moutarde, chez nous !» Le dernier mot fit explosion comme un coup de pistolet. Le bonhomme, frappé à bout portant, fut enlevé de sa chaise et lancé dehors. Nous ne le vîmes plus jamais. On pense qu'il mourut dans quelque coin, foudroyé. Veuve Élie avait un faible pour Jean, parce qu'il était fourmi de naissance. Elle lui permettait de ramasser les extrémités avariées des racines de réglisse après le nettoyage. Jean ne s'avisait jamais de grignoter ses pauvres friandises. Il les serrait fidèlement dans un vieux panier et quand il avait un bon tas, il les vendait aux petits vagabonds du voisinage. Veuve Élie lui prenait en dépôt les sous qu'il retirait de ce trafic. C'était de l'argent solidement placé. Élie père n'était pas méchant en dehors des crimes du métier. Il végétait comme les pommes de terre à la cave. Élie fils nourrissait une pie malgré les reproches de la famille. Il lui comptait ses peines et faisait 10 lieues par jour dans un espace de 30 pieds carrés. Élie neveu, monsieur Amédée, aimait le luxe. Il lissait son chapeau avec une brosse mouillée pour le faire luire. Et l'histoire rapportait qu'il avait détourné jadis une 1/2 livre de sucre candi en faveur d'une dame. Veuve Élie le fouillait quand il sortait. Nous restâmes là, Jean et moi, 4 années entières, durant lesquelles nous n'eûmes de relâche qu'aux heures du catéchisme. Veuve Élie n'allait pas à l'église à cause des chaises qu'il faut payer, mais elle redoutait Dieu à cause des chances du commerce. Tant que dura le catéchisme, il nous fut dit, ponctuellement, 2 fois par jour, « Polisson, à la cathédrale !» À la cathédrale, je retrouvais mes 2 petites sœurs de lait qui étaient maintenant des demoiselles. Marie Mauduit, la fille de l'avocat, était blonde et bien jolie. Jeanne Saunier, la fille du major d'artillerie, était charmante et vous regardait avec de grands yeux noirs hardis. Elle me disait bonjour quelquefois et c'était gentil de leur part, car elles n'avaient point payé à maman leur mois de nourrice, mais j'étais si mal habillée. Fanchette, plus jeune que nous de 2 ans, était aussi du catéchisme et ne restait en arrière de personne pour l'instruction. Elle apprenait l'état de modiste. Il fallait voir comme elle gardait bien sa petite dignité vis-à-vis de mademoiselle Marie et de mademoiselle Jeanne, un peu peste toutes les deux. Après le catéchisme, elle venait nous reconduire, Jean et moi, jusqu'à la porte de notre prison. Parfois, elle disait en nous toisant de son regard limpide comme l'eau de la mer dans un creux de roche « Vous voilà pourtant haut sur jambes, Dieu merci, toi surtout, Corentin !» Un soir, elle ajouta « Bien sûr, ça n'est pas un état que d'être moulin à café. Quand je vivrai 100 ans, je n'oublierai pas le coup que j'eus au cœur à ce terrible nom qui m'était appliqué sans malice, moulin à café. » Et voilà que le lendemain, justement, elles vinrent toutes les deux, Marie et Jeanne, nos 2 sœurs de lait, acheter du chocolat avec leur chambrière, 2 grandes filles qui portaient la coiffe insolente et si jolie des cancalaises. Elles entrèrent à la tapageuse, riant, causant, faisant les belles dames. J'essayais de me dissimuler dans mon coin, et il paraît que j'arrêtais un petit instant de tourner la manivelle, car veuve Élie, qui ne perdait jamais un seul de nos mouvements, me cria « Gagne ta vie, Capelan, et ne vole pas tes gages !» Jeanne, Marie et leur cancalaise se mirent à rire toutes les 4. Les capelans sont des petits poissons qui servent d'appât à Terre-Neuve pour pêcher la morue. On en a 2 douzaines pour 1 sou. Marie et Jeanne me regardaient. J'avais les yeux baissés, mais je les voyais tout de même. En me regardant, elles cessèrent de rire et se détournèrent. J'entendis Marie qui murmurait « Le capelan, c'est le pauvre Corentin !» Les cancalaises, qui m'avaient reconnu aussi, chuchotaient. Je devinais au mouvement impertinent de leurs lèvres le mot de Fanchette, le terrible mot « Il est moulin à café !» Marie et Jeanne s'en allèrent après avoir brusqué leur marché. Tout à l'heure, je tremblais qu'elle n'eusse l'idée de me dire bonjour. Maintenant, j'avais la mort dans l'âme parce qu'elle ne m'avait point parlé. De la nuit, je ne pus fermer l'œil. Mon imagination travaillait. Je trouvais naturel et légitime que Jean fût pilon à poivre, mais moi, moulin à café, c'était bien sûrement une horreur. Avant le jour, je quittais le cercueil où je couchais et j'allais trouver Jean dans le sien pour lui demander combien il avait amassé de sous en vendant ses rebuts de réglisse. Jean m'obéissait encore, quoiqu'il eût une bien meilleure assiette que moi dans la maison. Il courut s'enquérir du chiffre de son trésor. Veuve Élie couchait avec un chat jaune, gros comme un veau, qui était bon pour ses rhumatismes. À la demande de Jean, elle laissa tomber ses lunettes et lui fit les yeux qui avaient mitraillé le triste pain sec dans l'affaire de la moutarde. Bien entendu, elle ne répondit point, mais je fus mandée à l'instant même. C'était la veille de notre confession générale. Elle se chargea de faire l'examen de nos consciences. Comme les injures ne coûtent rien, elle les prodiguait à Boisseau. « Vous êtes, nous dit-elle, de couleuvres que j'ai réchauffées dans mon giron, de vers de terre que j'aurais dû écraser. Chaque jour et 10 fois par jour, vous tombez en péché mortel par paresse, par envie, par colère, par orgueil, par gourmandise et le reste. Vous êtes des menteurs, vous êtes des brigands, vous serez des assassins, et j'en ai vu au pilori qui valait mieux que vous. « Méchante racaille de renégat d'anglais !» Jean pleurait. Moi, j'avais envie de l'étrangler pendant qu'elle poursuivait. « Quant à l'argent du nommé Piteux, il y a 3 livres 12 sous. Mais vous n'irez pas les boire avec les voleurs au cabaret. Je lui garde cela pour acheter son homme quand il tirera à la conscription. » Au tapage abominable qu'elle faisait, Élie père, fils et neveux, sortirent de leur tanière pour arriver à la rescousse. Ils s'indignèrent à l'unanimité. Mais ce qui les révoltait surtout, ce fut l'importance des économies réalisées par Jean. 3 livres 12 sous. En fin de compte, on lui tira les oreilles et chaque Élie me prodigua mes étrennes. J'eus un coup de pied de patron François, une paire de calottes de Fifi Jacquet. Le bel Amédée me donna de sa règle sur les doigts et veuve Élie me mit au pain sec avec double tâche. Jean me dit « Nous voilà bien avancés. » Dès que nous fûmes seuls, je répliquai. Ça finira, j'ai mon idée. Plus tard, j'ai étudié l'histoire et j'ai vu qu'aucune révolution n'avait jamais eu de germe si légitime. Le matin de la première communion, nous nous réveillâmes si joyeux que veuve Élie elle-même ne put rien contre notre allégresse. Toute cette journée, pourtant, elle fut pire qu'un tigre, parce qu'elle avait mis avec ostentation une pièce de 10 sous à la quête. Le bedeau l'accusait pourtant de blanchir des centimes avec du vif argent tout exprès pour l'église. Au lieu de rentrer à la boutique, nous passâmes cette soirée chez maman Quimper, qui nous avait préparé un festin. Maman portait le bras en écharpe, par suite d'un duel qu'elle avait eu, à cause de Petit Guerne, avec le cordonnier de Monsieur Surcouf. Ce cordonnier, qui venait à la maison comme étant mon parrain, avait reproché à Petit Guerne de manger le pain de maman Quimper. Petit Guerne s'était engagé soldat le lendemain, et maman avait pris une gaffe pour avoir raison du cordonnier. Ce fut une bataille rangée. Mon parrain avait aussi une gaffe, et on en vint aux mains sur la Grand Grève, à marée basse derrière Rochebonne. Il y avait une centaine de témoins, calfas, douaniers et matelots, pour empêcher la police du port d'approcher. Mon malheureux parrain fut rapporté à bras dans son établissement, tandis que maman, victorieuse, regagnait la jeune Émilie de son pied. Voilà pourquoi Petit Guerne n'était point de la fête. Hormis celui-là, nous étions tous réunis, et papa Quimper avait permission de boire à sa soif. Il regardait avec attendrissement la haute venue de ses gars et de ses filles, disant « Voilà Corentin, mon dernier, qui me dépasse de tout son nez !» Et il lampait son cidre comme un géant. Jean, Fanchette et moi, nous avions le contentement profond de ce jour dont le pareil ne se retrouve point dans la vie. J'étais placée auprès de Fanchette, gaie et douce comme un cœur sous sa robe blanche de communiante. Nous mangions tous trois nos fraises dans le même plat de grosse faïence à fleurs. À l'heure qu'il est, après tant d'années, je vois encore les fleurs bleues à travers le sang rouge des fraises, et je vois surtout le sourire de Fanchette, ma petite sœur. Mes frères et mes sœurs nous faisaient fête à qui mieux mieux. C'étaient tous forts garçons et belles filles qui ne regrettaient pas trop l'absence de petit Guerne, dont on avait été un peu jaloux à la maison. Mais à deux ou trois reprises, les yeux de maman se mouillèrent et plus d'une fois elle prononça le nom de son joli chéri, comme elle l'appelait. Pour la bonne pensée qu'il eut de boire à la santé de l'absent, papa Quimper gagna une embrassade. Quand il n'y eut plus de fraises, je dis à Fanchette tout bas, « Tu sais, j'ai mon idée. » Et comme elle me demandait quelle idée j'avais, je lui répondis, « À mon retour de mon grand voyage, nous nous marierons si tu veux, ma cousine. » C'était clair. Cependant, Fanchette voulut savoir où je comptais aller pour en revenir. Au lieu de répondre, cette fois, je dis, « Mademoiselle Marie et Mademoiselle Jeanne ont ri de moi avec leur cancalaise, et tu m'as appelé moulin à café. » Elle me regarda tout étonnée, ses yeux brillaient. J'ajoutais, « Je veux partir pour que tu n'aies pas honte d'être Madame Corentin après le temps. » Pour le coup, Fanchette sourit, mais elle demanda encore, « Partir pour où ?» Dieu merci, on ne me prenait pas son verre, j'avais réfléchi assez. Je répliquai posément, « Pour où, ça m'est égal, le plus loin serait le mieux. J'irai voir mon oncle Quimper, Corentin, en Amérique. » Autour de la table, il y eut une grande acclamation qui disait « C'est ça, papa Quimper, contez-nous une histoire !» Fanchette, cependant, m'embrassait sur les deux joues et chuchotait à mon oreille. « Voilà qui va bien, et ton idée est bonne, j'en réponds, mais comment feras-tu pour passer la mer sans bateau ?»